Quand l'école est finie, quand le maître s'endort en rêvant qu'il manie sa belle règle d'or, moi l'enfant pas gentil, le dernier de la classe, je sors de mes godasses, je vais dans la vie sur la pointe des pieds. Je m'en vais. Et dans les jardins, il y a des fleurs qui s'ouvrent. Moi, sans faire de bruit, pour pas les déranger, je m'en vais. Quand l'école est finie, je marche en liberté. C'est fou ce que la vie peut vous en raconter. Je vois le boulanger qui rend de la monnaie et le drôle de balai des dames au cœur léger, de les dévisager, ça me plaît. Et dans les jardins, je vois ceux qui s'aiment, et quand ils s'embrassent, pour pas les déranger, je m'en Quand l'école est finie, quand le maître s'endort en rêvant qu'il manie sa belle règle d'or, moi l'enfant pas gentil, le dernier de la classe, je sors de mes godasses et je vais dans la vie sur la pointe des pieds, je m'en vais. Quand l'école est finie,